Bonjour, direct du 20 mai 2023. Donc, je vais attendre un petit peu que les gens arrivent. Bon, hier, grosse journée. Il y en a peut-être qui savent que, bon, j'étais au cœur d'une poursuite que j'avais entamée depuis des années. J'ai le dossier ici, là. Ceux qui aiment la maroquinerie, ça c'est Bugatti, je pense. Ça doit être de la peau de bœuf. Donc, bon, hier, il y avait des négociations. Ah, bonjour, Lindus. Oui, ce matin. Donc, ouais, il y a eu des négociations, puis finalement, il y a eu une entente hors cours. Donc, l'autre partie accepte de me payer. Puis à ce moment-là, dès que je recevrai un chèque certifié au cabinet d'avocat, ben là, je signerai un désistement. Sinon, j'aurais été pris pour aller, il aurait été pris aussi pour aller en cours à la fin du mois. Puis bon, mon dossier est solide, puis il aurait perdu. Puis je poursuivais pour quand même proche 35 000, là. Donc, il y a eu un règlement hors cours. Je devrais être correct pour un petit bout de temps. Ça devrait être correct. C'est sûr que je suis content. Ça fait ça de moins. Aussi, les 2 dernières semaines, on dirait que ça faisait tout pour me décentrer, pour me. Mais non, j'ai tenu bon quand même. Bonjour, toujours intéressant. Les audios. Oui, ben les audios sont pas pareils. C'est complètement différent. Vraiment contente pour vous. Bon, ben, merci beaucoup. Ben, c'est comme, ben oui. Ben oui. Et quand vous êtes dans votre droit, puis que si vous aussi vous connaissez un peu comment ça fonctionne, puis il ne faut pas hésiter, là. Donc, bon. Puis, c'est pas le fun, j'imagine. Il m'a eu sur les talons pendant des années. Des années de temps. Bonjour à vous et vous tous. Bonjour. Ah, ben, bonjour. Donc oui, bon, il a finalement accepté une offre que j'ai faite. Puis c'est sûr que si j'étais allé en cours, j'aurais eu plus, mais bon, moi je voulais régler ça au plus vite, puis ça me tentait pas. Les audiences se déroulaient dans une autre ville, puis ça me tentait pas. Lui non plus, ça devait pas lui tenter. Il reste loin, lui. Bon matin, très heureuse pour toi. Tu vas pouvoir passer à autre chose. Ben oui, ben vous savez qu'il y a quand quelque chose finit, il arrive d'autres choses. Donc, ouais. J'imagine que, bon, c'est pas la dernière fois là, que j'ai à gérer des choses comme ça. Mais bon, c'est pas grave. Genre, j'écoutais les audiences à la commission, puis il y en a une dame là, qui est quand même assez connue. Elle expliquait qu'elle était traumatisée par les médias parce qu'il y avait eu des articles sur elle. Puis bon, puis elle dit que c'était mensonger, puis ça l'avait traumatisée. Moi, je comprends pas pourquoi elle a pas entamé une poursuite immédiatement en diffamation, hein, avec dommage-intérêt. Puis c'est pas tout le monde qui va avoir ce réflexe-là. Prenez le docteur Laibie. Le docteur Laibie, lui, il hésite pas, il poursuit. Puis il gagne ses procès. C'est parce qu'il faut y aller pour gagner. C'est ça, là. Donc, bon, bonjour Jean-Paul. Hein, bonjour Martin. Donc, ben oui, souvent les gens vont dire, ah, oh, ben, il n'y en a pas de justice. La justice, c'est un système, c'est technique beaucoup. Donc, bon, c'est une affaire de technicalité puis de détails. Comme il y en a un là qui voulait contester, il est tombé dans certains pièges, puis s'est ramassé avec un ticket de 1 500 $, puis voulait aller contester ça avec des arguments d'experts par rapport à l'efficacité du masque. Ben oui, mais le magistrat n'est pas là pour juger de l'efficacité du masque, il est là pour juger s'il a contrevenu, oui ou non, à un décret. D'un point de vue technique, il ne peut pas gagner. Et les gens sont très mal conseillés. Très, très mal conseillé. Ça ne marche pas comme ils pensent. C'est dommage. L'affaire, c'est que, bon, c'est de la systémique, dans le sens que il faut voir ça d'une façon cybernétique. Comme moi, en tant qu'individu, je suis un système. La partie adverse est un système. On est dans un autre système. Il y a des échanges d'énergie, si on peut dire. Puis, ces techniques-là, comme des amibes qui sont dans un plat de pétri. Donc, dommage, mais il faut choisir ses batailles ou mettre son énergie, c'est ça. Ben oui, il faut avoir du discernement dans ce qu'on. Parce que même comme celui qui conteste sa contravention, je pense qu'avec depuis le temps que ça dure, il aurait peut-être pu même plaider l'arrêt Jordan. Que c'est une jurisprudence que j'aime pas, puis contre laquelle je suis contre, mais si ça peut servir à pas payer 1 500 pièces, ben c'est pourquoi pas l'utiliser? Ben non, pour avoir une tribune pour aller défendre de quoi que le magistrat va dire, ben c'est pas la place là, puis c'est pas de ça qu'on juge là. Désolé. C'est bien dommage, mais bon, c'est drôle. C'est un peu comme jouer aux échecs. J'ai tout le temps été meilleur avec les noirs parce que je suis pas bon pour ouvrir les hostilités, mais je suis pas pire pour me défendre. Puis la meilleure des défenses, des fois, c'est l'attaque. Et bon, tout est transposable, tout est. Il s'agit d'avoir une vision. C'est la façon dont on le voit. Des fois, c'est juste pas le temps, même si la bataille, c'est noble aussi. Moi, c'est sûr. Là, des fois, ça donne pas. Mais bon. Bon matin, Steve. Donc, il y en a bien que le monde judiciaire, ils sont naïfs. Puis encore là, je vais passer que je suis pas fin de dire ça, mais que. C'est pas vrai qu'il n'y a pas de justice dans le sens que ben la justice c'est une option abstraite. Bon, c'est de la science humaine dans le fond. Donc c'est pas des réalités. Donc bon, à un moment donné c'est de la façon dont on le voit. Ah bonjour, Mister Guerrière. C'est pour ça que ben prenez lors de la guerre de Sun Tzu. C'est transposable à n'importe quoi. C'est transposable à n'importe quoi. Si on a une vision analogique, on peut comprendre des choses là-dedans puis les transposer dans n'importe quoi. Puis prenez au niveau comme du civil. Bon, l'argent qui est une amulette psychologique dont la valeur est juste liée à un consensus collectif, il reste que c'est un support réel pareil parce que même si abstrait, ça a des répercussions dans le concret. Puis c'est comme quand vous achetez quelque chose, vous cristallisez, ou si vous réussissez à générer un profit, vous cristallisez quelque chose, vous accumulez. Mais c'est, moi je le vois un peu comme, c'est pareil comme de la biologie ou c'est pareil comme la cybernétique, les échanges entre systèmes, les échanges d'énergie entre systèmes. Puis au fond, si on le regarde froidement comme ça, à un moment donné, on voit ce qui va fonctionner, ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas. Puis les règles sont froides d'une certaine façon, c'est réellement technique. Donc, l'argent, c'est de l'énergie, un peu. Ben, c'est pas de l'énergie, c'est que c'est un support. C'est un support pour l'énergie. Puis sa valeur est entièrement abstraite, liée à un consensus collectif. C'est donc une amulette. Ben oui, c'est une amulette. Pourquoi l'argent américain, il y a des sceaux dessus, puis ça a l'air d'un talisman. Il y en a qui comprennent ça. Ben oui, on est dans le monde. Le monde, il pense que c'est pas concret, ce qu'on pourrait appeler. Il y a la pensée magique naïve d'enfant, puis il y a la vraie pensée magique, c'est-à-dire que. Le monde est un jardin magique, c'est-à-dire que on cristallise dans des formes du subtil. Puis tout ce qui va arriver dans le concret du plan matériel va être entre autres déterminé par des choses qui se passent dans du plus subtil. La finance, c'est subtil un peu, mais ça a des répercussions dans le concret. C'est pareil pour le judiciaire, parce que c'est pas, on est dans l'abstraction là. C'est pour ça que c'est le parti qui fait la meilleure prestation qui gagne souvent. C'est quand qu'on ne peut pas avoir accès aux faits. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un juge. Puis le jugement du juge va être arbitraire, il va être subjectif, c'est sûr, ça n'a pas le choix. Donc, la notion de justice n'a pas le choix d'être. C'est pas réel, la justice. Les aspects techniques puis les répercussions, ça, c'est réel. Ça, c'est réel. Donc, bon, c'est parce qu'à un moment donné, j'avais parlé de l'argent comme de l'énergie, puis il y en a qui avaient dit, ben, c'est un peu con, mais dans le fond, c'est parce que c'est plus subtil que ça. C'est un support qu'on a créé pour l'échange d'énergie. Comme quand vous avez un employé, vous le payez, il donne de son énergie, vous donnez de l'argent qui est un support, puis après, il peut aller s'acheter à manger avec. Mais c'est vraiment une amulette. L'argent. C'est pour ça que j'ai de la misère avec l'idée d'argent numérique, parce qu'à mes yeux, il faut qu'il y ait un support matériel. J'aime pas du tout l'idée d'argent numérique, parce que là, c'est comme on va encore plus dans le subtil, puis on sort du concret. Puis au lieu de cristalliser l'énergie en matière, là, on va dans le chemin inverse, puis on dématérialise. Ça, j'aime pas ça, parce que c'est le chemin inverse, puis moi, je vois des lois de mort là-dedans. Ça n'a pas le choix de créer un système qui va s'effondrer, même si on peut dire que le système financier, comme il était aussi, peut s'effondrer, mais c'est sûr parce que notre argent, c'est de la monnaie de singe qui est basée sur rien. Si au moins c'est encore basé sur l'or, ou c'est bon, les métaux précieux, l'argent. L'argent, c'est comme, bon, c'est drôle, hein, j'ai des. J'en ai des pièces en argent qui sont d'une certaine époque, à l'époque où la monnaie était en argent. Mais ça, aujourd'hui, c'est de l'acier. C'est de l'acier. C'est comme juste, ils ont retiré les sous noirs, mais il reste que le cuivre, ça a une valeur. Donc, les sous noirs avaient une valeur. Je ne sais pas si vous avez vu, à l'époque victorienne, les sous noirs, c'était gros comme ça. Il y avait aussi des écus de 2 sous en cuivre. Bon, c'est des choses qui ont disparu parce que la valeur du métal surpasse la valeur de la monnaie. Puis au fond, c'est la preuve que notre système va pas bien s'ils veulent éliminer les supports physiques. Là, notre argent est même plus en papier, c'est du plastique, c'est des polymères. Bonjour Didier. Donc, quand il y a eu des perquisitions au maire de Laval, comment il s'appelait, donc, le maire corrompu de Laval, en tout cas, sa femme en panique, elle essayait de flusher dans les toilettes des billes de l'argent, mais comme c'est du plastique, ça flottait puis ça voulait pas. Donc, comment il s'appelait, donc? Ouais, vous savez de qui je parle, là. Ben, il y en a, ils savent de qui je parle, le maire de Laval, qui est extrême, qui est aujourd'hui un exemple de corruption. Ben, en fait, moi, je considère qu'il a été sacrifié. C'est-à-dire qu'il y avait tout un système de corruption, puis au lieu que tout le système tombe, ils ont donné lui en pâture au système. Il y a juste lui qui est. Gérald Tremblay, je pense. Non, je ne suis pas sûr. C'était un maire de Montréal, ça, Gérald Tremblay. Mais ben oui, non, non, c'est pas lui. J'ai un livre sur lui, le maire de Laval, comment c'était quoi, dont le monarque, je pense, ça s'appelle. Vaillancourt, c'est ça, le maire Vaillancourt. Ben oui. Puis le maire Vaillancourt, bon, sa femme, elle essayait de flusher des billes, puis ça flottait, parce que c'est pas du papier, c'est du polymère. Bon, ça, je l'avais trouvé drôle. Je l'avais trouvé tellement drôle. Les peuples doivent recréer leur monnaie et leur banque centrale. Il va peut-être falloir, oui. Qu'on le veuille ou pas, on va avoir besoin d'un support physique. On n'a pas le choix, parce que sinon, on s'en va. Hey, bon matin, au Franck, aux échangés. Ben oui. Parce que sinon, on quitte le concret et on s'en va dans de l'abstrait, là. On s'en va dans de l'abstrait. Les affaires de système numérique, regardez les crypto-monnaies. Moi, je n'y ai jamais cru, l'affaire de Bitcoin, puis Atoshi, patente. D'après moi, c'est des Occidentaux qui ont créé ça, puis justement, c'est des financiers internationaux qui ont créé ça. Puis, ça a été lancé dans le public comme quelque chose qui allait engendrer un nouveau système, une nouvelle liberté. J'y crois pas du tout. Je crois pas du tout à ça. Moi, je vois un stratagème de. Didier Bertrand, c'est ça que je pense aussi. Ah oui, les peuples doivent créer leur. Ben, l'affaire, c'est qu'il y a des choses qui vont tout le temps avoir de la valeur, quand bien même ce serait juste le blé. Enfin, comme les Européens vont dire de l'argent, mais on appelle ça du blé. C'est pas fou, là. Parce que du blé, c'est vraiment, ça nourrit, je veux dire, quand vous le digérez, bon, ça crée de l'énergie, puis ça va vous nourrir. Eh bon, possiblement que le Bitcoin et compagnie, c'est une expérimentation. C'est ce que je pense aussi. C'est une façon d'amener les gens vers l'abstrait, là, le numérique. Mais c'est quoi le concret? C'est les patates. Ça, c'est concret. L'acier, ça prend. Il faut bêcher les patates. Faut, hein? Des monnaies adossées. Alors, oui. Ben oui, l'or. L'or qui a toujours été un des supports les plus. Puis c'est une belle vibration, l'or. On dira ce qu'on voudra. On dira ce qu'on voudra. C'est une belle vibration, l'or. Regardez anciennement, l'or va être lié au système sanguin, entre autres. Donc, oui, c'est astral. Un peu, c'est sûr. Mais c'est l'astral se nourrit de. Il n'y a pas de lumière. Donc, ça va se nourrir d'une lumière qui vient de. Donc, oui, c'est solaire. Mais les bagues vont être placées là où il y a les veines qui passent sur les bracelets, c'est là où il y a des veines aussi. Les suicidaires, c'est ça qui coupe. Les croix pectorales en or, la couronne. Tout l'or va être mis où il y a un pouls qui est fort. Pourquoi? Dans le fond, même si c'est l'argent hein, qui est associé au lunaire, mais là, bon. Il reste que, bon, la Lune n'a pas de lumière, elle produit pas de lumière. Donc, c'est le reflet du solaire. Puis bon, c'est subtil, ces affaires-là, mais c'est archétypal. Ça fait partie de l'âme collective, l'humanité. On ne s'en sortira pas du jour au lendemain, ces choses-là. Donc, bon. Savez-vous combien de banques centrales sont contrôlées pour une seule famille sur cette planète? Je n'ai jamais regardé ça comme faux, mais je suis au courant de les affaires de l'île Jekyll, puis comment que la finance internationale. Bon, puis bon, après ça, au Canada, en soi, à partir de 76, ce qu'ils ont fait. Puis, je connais les grosses lignes, les grandes lignes, mais je n'ai jamais eu une étude approfondie de ça. Mais bon, les banquiers internationaux, puis ces familles-là, on les connaît. On les connaît. L'affaire, c'est beaucoup lié, entre autres, à l'histoire de la Hollande. Moi, je trouve que ça commence là. Même au Japon, il y en a un, il avait inventé le riz papier. Le riz papier. Eh bon, c'est le 160 moins. Ben, l'affaire, c'est que c'est privé. C'est ça le problème. Donc, bon, dans le fond, on est encore dans un système féodal. On est encore dans un système féodal. Puis, bon, les gens qui ont acheté leur titre. Qui se font appeler barons de. Puis... Donc, bon, du monde médiocre. Du monde. L'argent mondial, une monnaie unique et numérique, ça peut-tu fonctionner? Ben, l'or, c'était toujours, à mes yeux, une monnaie mondiale, peu importe la forme qu'elle prend. Mais là, unique et numérique, moi, je pense que tôt ou tard, ça s'effondrerait. On reviendra à des fondamentaux. Donc, c'est comme la crypto-monnaie, à un moment donné, c'était le temps d'investir là-dedans. Puis je le disais d'ailleurs, oui, c'est intéressant, mais à partir d'un moment, je lâche plus le temps. Il y en a qui ont perdu leur chemise. En plus, c'est compliqué, ça prend un widget, là, une clé à part, puis là, c'est crypté, puis vous pouvez perdre des millions à cause d'un détail technique. Ça n'a pas de sens, c'est n'importe quoi. Il y en a qui ont perdu des millions. Il y en a un, il n'avait plus son mot de passe. Là, il est mort. Puis sa famille, il ne pouvait pas récupérer rien. Ça n'a aucun sens, là. C'est n'importe quoi. C'est pour ça, moi, je vous dis, plus on va aller vers l'abstrait, puis plus on va. Là, plus c'est le monde de la mort, là, on va perdre de l'énergie. Trop tard, je parle au niveau du concret. C'est comme ça va à l'en disant bonjour et ah bonjour, monsieur Pinard. Donc, bon, on n'aura pas le choix de revenir à des fondamentaux. Puis là, ils sont en train de modifier l'agriculture. Imaginez comment ça. Vous vous souvenez, dans Soleil Vert, à un moment donné, il y a une vente aux enchères pour un pot de confiture. Et si ça continue, ben. Donc, bon, toutes ces choses-là, puis bon. Mais l'affaire, c'est la capacité de transposition, de synthétisation. À un moment donné, c'est vraiment de la cybernétique, dans le sens que c'est vraiment des échanges entre des systémiques. C'est ça, l'argent. Un individu, c'est un système. Puis lui, il est en relation dans un système qui l'englobe avec d'autres systèmes. Puis ça prend des structures, c'est un peu comme les pseudopodes des amibes, ça prend entre autres, puis aussi les structures qu'il y a pour qu'il y ait des échanges, notamment, bon, de toutes sortes de. Pour des échanges, je veux dire, comme les amibes dans un plat de pétri, il y a une communication juste par le plasma. Puis même ça va sur toutes les plans, même au niveau psychique, on baigne tout dans la même soupe, là. Donc, bon, on peut avoir autant de monnaie que l'on veut. Cependant, il faudrait un système transactionnel mondial unique et transparent et falsifiable. Ouais. Ben, la clé, ce serait la transparence. Puis, le problème, c'est qu'on s'en va vers un système où la transparence va être pour les gueux. Ben oui. Moi, souvent, les gens me disent, qu'est-ce que tu penses de ça, les paradis fiscaux? Ben, moi, je pense qu'on a tout intérêt à s'intéresser aux paradis fiscaux. Puis, si vous en avez la possibilité, que je vous en de l'argent dans les paradis fiscaux. Parce que les pourris de ce monde vont finir par combattre ce système-là juste si les petits s'en servent. Ben oui, le meilleur moyen que vous avez de combattre les paradis fiscaux, c'est de vous en servir vous aussi, puis de le faire intelligemment. Donc, là, rendu là, puis les paradis fiscaux, c'est tout lié à quoi? Ben, les Suisses, des petites îles britanniques. Où il y a toujours eu une certaine propension à la magie. L'île de Man, l'île de Jersey. Prenez l'État américain, le Delaware. C'est dans le fond, c'est des. Moi, je vois une continuité, là, ouais. Comme là, bon, à un moment donné, il y a eu le couronnement du prince Charles, puis il y a eu beaucoup de spéculation. À un moment donné, on voit une silhouette drapée noire qui passe. Je ne sais pas si c'est une vraie vidéo. Ça peut être aussi quelque chose qui a été fabriqué. Je ne sais pas. À moins que des gens l'aient vu en direct, là. Mais bon, faut comprendre que il y a probablement la cérémonie qui se passe en avant, puis il y en a un autre qui se passe. Parce que tout ça, c'est lié à. Pourquoi, quand il y a un couronnement d'un roi, ils ressortent leur vieille pierre, que dans les temps celtiques, bon, puis ils mettent ça en dessous du trône. Pis... Hein? Dans le fond, là, tout ça, là, on pourrait le dire, ces conneries-là, c'est des niaiseries, c'est des conneries. Ben, il reste que ça a une incidence, semble-t-il. Puis eux autres, ils y croient. Juste le fait qu'eux, ils y croient, ça rend ça fort. C'est un des pouvoirs entièrement faits d'imagination. C'est de l'imagination, mais ça a une des conséquences réelles. C'est comme quelqu'un qui est tout le temps malade parce qu'il somatise. Son imagination a des conséquences réelles. La maladie est sur un plan plus subtil, puis ça se cristallise dans la matière. Donc, c'est la même chose pour tout. Puis à un moment donné, il va falloir arrêter de regarder l'affaire des plans d'une façon ésotérique. Il va falloir regarder ça d'une façon empirique, plus scientifique, puis se rendre compte que c'est quoi qui est réel, puis c'est quoi qui ne l'est pas. Puis se rendre compte que le réel est parasité, puis est manipulé par de l'irréel, mais qui a une incidence réelle, c'est dangereux. Bonjour Sabrina. Donc, bon, c'est comme le système, combattre le système. Il y en a, ils veulent combattre le système. Dans le fond, c'est de l'autodestruction. Le système, il peut juste se combattre de l'intérieur. Dans le sens que des fois, combattre un système, c'est l'assainir de l'intérieur en s'en servant. Ça donne quoi d'être. C'est quoi un rebelle? À mes yeux, un rebelle, c'est quelqu'un qui est en train de construire son identité. Mais ce n'est pas quelqu'un qui a une identité réelle nécessairement, donc il est en réaction. Donc, il n'est pas dans une création de quelque chose. C'est pour ça que la rébellion contre les systèmes, puis ça a tout le temps servi à détourner l'énergie des peuples, comme on la voit avec bon, ce qu'on pourrait appeler comme la sémantique de Marx, là, l'affaire de lutte des classes. Le meilleur moyen que vous avez, que les classes laborieuses ont de combattre des classes qu'ils considèrent comme, ben, c'est d'être créatif. Puis à un moment donné, ben, il Je veux dire, on vit à une époque qui est quand même depuis quelques, au moins un peu plus d'un siècle, que n'importe qui peut être entrepreneur, puis peut créer une entreprise, puis il s'agit d'être créatif. Voltaire disait, il faut pas apprendre à lire et à écrire aux fils de laboureurs parce que sinon, ils se rendent compte qu'ils ont des droits, puis ils nous font des procès. Mais ce que des gens aussi dégueulasses, moi, j'aime pas Voltaire, que Voltaire comprenne pas, c'est qu'il est possible que le fils de laboureur soit capable de s'instruire par lui-même. Il va être autodidacte, il va être comme ça, il va être bien plus créatif. Donc, dans le fond, lui-même, je veux dire, Voltaire, je veux dire, c'était, bon, son père, bon, ça faisait quand même partie de, il me semble que c'était des tapissiers, c'était des tapissiers, donc il y avait des manufactures de tissus puis des choses comme ça, mais il reste que, c'est pas une famille d'écrivains, là, mais il s'est fait lui-même, puis pourtant, quand il dit qu'il faut pas apprendre à écrire aux fils de laboureurs, sinon ils se rendent compte qu'ils ont des droits puis ils nous font des procès. Moi, j'en reviens pas qu'on ait fait de Voltaire un symbole de la liberté d'expression. En tout cas, au fond, là, ben c'est bon, ça me fait toujours rire de penser qu'aux Invalides, son tombeau est pas loin de celui de Rousseau, puis ils sont pris ensemble pour toujours. Mais bon, j'aime pas plus Rousseau. J'aime pas plus Rousseau. C'est tout de la. Voltaire, ce n'est pas son vrai nom. Ben non, c'est Jean-Baptiste Arouet. Ben non, c'est pas son vrai nom. Ben non, c'est une invention. C'est sûr, c'est un nom de plume. C'est Jean-Baptiste Arouet, me semble. Son vrai nom. Bon, ça fait moins vendeur, hein. Mais Voltaire est un des premiers à avoir, avant Ford, là, à avoir créé des manufactures à la chaîne. Lui, le premier qui a fait, par exemple, qui a vendu des montres qui étaient standardisées, que les pièces étaient toutes fabriquées standard séparément, puis ensuite c'était remonté. Puis là, il vendait ça. Il reste que c'était quelqu'un qui avait un esprit d'entrepreneur, puis bon, puis qui avait une certaine intelligence technique, on va le dire comme ça, mais je déteste cet homme-là. Moi, je le trouve, bon, moi, c'est pas important, là, mais il reste que, moi, je le trouve détestable, mais bon, à un moment donné, il avait écrit au canton de Genève pour demander qu'on fasse exécuter Rousseau. Imaginez, là, qui fait ça? Je veux dire, il faut le faire, là. Vous n'êtes pas capable de remporter un débat contre quelqu'un au niveau des idées, puis là, vous écrivez aux autorités de son pays pour le faire exécuter. C'est quoi ces folies-là? En tout cas, hein, plus en plus, lui, il se faisait souvent faire des procès, Voltaire, justement, parce que c'était quelqu'un de malhonnête. À un moment donné, il y a eu un procès, c'est une histoire de pour des cordes de bois. Des stars de bois, il ne voulait pas payer. Voyons, c'est correct d'être économe, mais à un moment donné, il faut être honnête pareil. C'est quoi ça? Pour moi, il n'est pas digne de la philosophie, même titre que Sade. Oh, ben là, Sade. Lui, Sade, c'est Alphonse Donatien. Alphonse Donatien, marquis de Sade. Il est dégueulasse, le marquis de Sade. À un moment donné, en tout cas, je n'ai pas envie de penser à ça. Il y a eu un procès, lui, une domestique. Il avait fait une plaie, puis après, il l'a cautérisé avec un tisonnier. Puis, ben, en tout cas, je me souviens pas tous les détails, là. Non, c'est un marquis de Sade, ça. Ben, au fond, c'est les Lumières. Le marquis de Sade, c'est un philosophe des Lumières, au même titre que Voltaire, que Rousseau, mais c'est les Lumières. C'est pas la lumière, hein, c'est les Lumières. C'est pas pareil. Donc, les Lumières, bon, je veux dire, on parle du monde très intelligent intellectuellement, mais à d'autres niveaux, c'était pas des Lumières. Comme les Querelles d'encyclopédistes. Mon préféré dans les Lumières, c'est Spinoza, le polisseur de l'antique. Moi, mais. Ouais, ben, il est plus sympathique, disons. Disons, là, c'est déviant. Ouais, ben, les lumières, il y a du monde qui ont voulu qu'il y ait un changement. C'est un petit peu les premiers mondialistes. On n'est pas loin de, comment ça s'appelait, là? Waysop. C'est un peu des courants comme ça, dans le fond. Donc, bon, on se comprend appeler de la spiritualité athée, entre autres. Mais, parce que c'est spirituel. D'ailleurs, c'est à cette époque-là qu'apparaît les termes « Ah, quelqu'un qui a de l'humour », puis on va dire « Ah, il est tellement spirituel ». Donc, bon matin, je viens de boire mon café avec toi. Ah bon, ben, j'espère que ça le rend pas trop amer. Effectivement, c'était pas des lumières, même s'ils se trouvent proclamés comme tels, ben, des ténèbres plutôt. Ouais, ben, il y a des choses qui ont du bon sens. Mais c'est ça justement le problème. C'est-à-dire que c'est là qu'on se fait avoir parce qu'il y a du bon sens. Puis on ne voit plus ce qu'il n'y en a pas. C'est ça le problème avec un système philosophique. Donc, bon, c'est souvent comme ça. C'est souvent comme ça. Ça a été un courant nécessaire, mais les lumières ont leur part de ténèbres. Moi, je suis pas sûr que c'était nécessaire. Moi, de la façon dont je le vois, bon, c'était nécessaire peut-être au niveau de si c'est arrivé, c'est que ça avait arrivé. Puis il fallait peut-être passer par là. Mais moi, j'ai bien de la misère avec eux autres. Juste, taille les reins. Ah, il faut pas. Je commence à penser à des affaires qui me mettent. Destruction de la famille et des traditions. Oui, c'est ce que je pense. Quand je dis nécessaire, je parle au niveau de la programmation de la collectivité, évidemment, moi. Ben, l'affaire, c'est que, bon, les choses évoluent souvent dans le traumatisme, puis quand il y a l'évolution, il y a des douleurs de l'enfantement, on va dire ça comme ça. Donc, mais l'affaire, il y a des, justement, des, ça a été financé, ces affaires-là. On oublie ça. Il y avait des gens qui voulaient engendrer ce qu'on a appelé par après l'ère industrielle. Puis pour ça, regardez Voltaire. Voltaire, il voulait enlever le repos du dimanche puis les fêtes religieuses. Pourquoi? Pour que les gens qui travaillaient pour lui travaillent à l'année. Ils vont tout le temps prendre dire, oh, c'est la liberté, les droits, mais c'est le contraire. Ça va tout le temps finir avec moins de liberté, moins de droits. Donc, c'est ça le côté serpent, le côté serpent de ces affaires-là. Donc, bon, puis là, finalement, ça a engendré les débuts de l'ère industrielle, puis ça a fini par aboutir à ça, mais c'était voulu. Puis là, la finance est devenue, moi, à mes yeux, la finance comme on la connaît aujourd'hui, elle commence en Hollande. La Hollande qui avait été combattue entre autres par la France, puis qui était alliée des Anglais, puis Guillaume d'Orange, puis toutes ces affaires-là. Puis aujourd'hui, les historiens font passer Louis XIV pour un monstre parce qu'il avait fait bombarder Amsterdam. Puis, ben oui, mais là, c'était pas si pire que ça. Pas si peu que ça. Moi, j'y en veux d'avoir manqué sa shot. Puis là, la guerre de succession d'Espagne. Puis là, finalement, bon, ça a donné ce que ça a donné. Puis c'est fini, ça a retombé sur sa descendance. Mais il reste que je comprends les raisons de. On dit, il y en a qui ont vu venir. Ils ont essayé d'empêcher, mais bon. En tout cas, bonjour, Jacinthe. Sama, bonjour. Noé, bonjour. Donc, bon, il y en a qui ont juré de détruire la monarchie française. Puis ils ont réussi, ils l'ont fait. Aujourd'hui, c'est quoi la France? C'est les Américains là, qui mènent l'Europe. Puis les Américains, moi, je vois comme la continuité de l'Angleterre. Le cerveau, c'est l'Angleterre. Ça va tout le temps être là. C'est la tête du serpent. Mais bon, je ne suis peut-être pas correct de dire ça dans le sens que, bon, il y a des choses des fois que je dis que je pourrais avoir des problèmes. Mais il reste que, qu'on leur prenne comme on veut, qu'on regarde ça comme on peut. Moi, j'ai pas le choix de voir ça comme ça. Parce que, bon, l'histoire, en tout cas, on le voit, là. Je veux dire, c'est visible. D'enlever l'identité des peuples. Puis là, après ça, on va créer le wokisme qui dit combattre le colonialisme, alors qu'au fond, c'est une forme de colonialisme, c'est une continuité de... S'il y a de quoi qui ne marche pas, là, comment ça se fait que dans les années 50-60, les gens de gauche étaient pro-russes puis anti-gouvernement, puis aujourd'hui, les gens d'extrême-gauche, ils sont anti-russes, pro-gouvernement. Il y a de quoi qui ne marche pas, là. Il y a de quoi qui... C'est n'importe quoi. Ils polarisent pour après, ils inversent les... le type du monde qui n'ont pas d'identité. C'est les... En tout cas, on le voit, je veux dire, on le voit. Prenez ce qu'on appelle la culture urbaine, qui vient des ghettos de Los Angeles, puis des coins comme à New York, comme Brooklyn, puis tout. Puis comment ça se fait qu'il y a des jeunes Québécois à coutrer de même? Ben parce qu'on est décolonisé et on n'a pas d'identité. Puis bon, ça, c'est pas de la culture, là. C'est comme des fleurs de cerisier, c'est éphémère. C'est des affaires éphémères. Puis bon, il y en a, là, sont toutes dans ces looks-là. Puis tout, ben oui, mais ça revient au même qu'il y a les chemises à froufrou puis les gros nœuds papillons en velours des années 70. C'est pas réel, ça ne perdurera pas, c'est passager, c'est fait pour être. La vacuité, dans le fond, ça n'a aucune solidité, puis à mes yeux, ça n'a aucune valeur. Bien là, il faut avoir un manque d'identité pour tomber dans des sous-cultures de même, puis même sous-culture, c'est même pas de la... Moi, à mes yeux, ces affaires-là, c'est de la pollution. C'est des activités de compensation liées à de la souffrance sociale qui a engendré ce qu'on va appeler par après des sous-cultures. Après, bon, c'est exploité, puis ça devient... un produit de consommation, mais il reste que ces affaires-là, ça ne peut pas avoir de valeur. Ça ne peut pas en avoir. C'était un peu comme quand j'étais pas mal plus jeune, puis là, c'était les Doc Martens, puis c'était le grunge. Puis je me rappelle, un matin à l'école, tout le monde a la falateur, puis moi qui ne m'intéressais pas à ces affaires-là, puis j'en avais rien à faire, le monde a... Kurt Cobain s'est suicidé. Ah bon, c'est qui donc ça? Je ne me rappelle plus. Ben c'est là, Nirvana, puis tout. Je faisais un drogué de moins. Hey, le scandale. Le scandale. Ben oui, mais ces affaires-là, c'est. Voyons là. Ça n'a pas de. Moi, à mes yeux, en tout cas, ça n'a pas de valeur. C'est comme bon. À un moment donné, Tupac s'est fait tuer. Ben oui, mais c'est qui vit par l'épée, hein? Si on dort avec les chiens, on se réveille avec les puces, ben, toutes ces affaires-là du passé, c'est ça s'applique encore, là. On va pas, je veux dire, bon. L'initiative du siècle est un influent groupe de pression canadien. Il milite en faveur d'une hausse radicale de l'immigration de manière à augmenter la population du Canada à 100 millions d'habitants. Ben oui. Ben, regardez ceux qui ont osé parler de grands remplacements. Puis ils se font traiter de... Oui, peut-être c'est un peu gros de la façon qu'ils l'amènent. Mais il reste que... Ben oui, mais ça prend des esclaves. Ça prend des esclaves. C'est un peu comme quand vous vous achetez des esclaves, vous ne voulez pas qu'ils soient trop brillants. Il faut qu'il y ait une sélection. Puis ça dépend, là, les compétences. Mais il reste que c'est une façon... De toute façon, même dans le temps de McDonald's, il disait, du les Canadiens français, on va régler le problème en les noyant dans l'immigration. Ah, moi, je considère encore que c'est nous autres qui avons ouvert le continent puis que c'est nos terres, pareil. Puis là, il y en a qui vont dire « Ah! Comment t'oses dire ça, les Autochtones? » Puis blablabla. Regarde, j'en ai du sang autochtone, on en a toutes. Puis au pire, on se mettra encore plus chum puis on considérera. Puis là, il y aura des vrais partenariats avec les Premières Nations. Mais pas besoin d'en... Ouais. Pas besoin de... En tout cas... L'armée de réserve du capital. Oh, le capital. Moi, je trouve que le capital. Ben là, on tombe dans de la sémantique, la dialectique de Marx, là, un petit peu. Puis bon, moi, j'ai rien contre le capital. Ça dépend comment on voit ça. Ça dépend c'est lequel, puis pourquoi. C'est pas le capital le problème à mes yeux. Je veux dire, même un potier dans un village en Mésopotamie, c'est un peu un capital, je veux dire, dans le temps des premières. Ça dépend là, de quoi on parle. Mais bon, on l'a fait. Moi, je n'ai rien contre. L'affaire, c'est que avant le 20e siècle, même si on recule, si on recule les économies d'il y a longtemps, si on regarde les Chinois, la route de la soie, la route du thé, les vitriers vénitiens, les manufactures françaises, comme les gobelins, là, c'est toujours, c'est bon pour le peuple. Qu'on développe des expertises qu'il n'y a pas ailleurs, puis qu'il y a des échanges entre les peuples, puis tout. C'est à partir de ce qu'on va appeler le capitalisme, là, ça s'est corrompu, puis à partir de l'ère industrielle. Mais il reste que c'est très important, l'industrie. Qu'on le veuille ou pas, c'est pour ça que si vous donniez, si un vitrier de Venise avait donné la recette pour fabriquer des miroirs à des étrangers, il lui attachait les mains dans le dos puis il le jetait dans le canal. Ce qui est tout à fait normal. De la même façon que si des marchands chinois avaient donné ou vendu à des étrangers des cocons de verre à soie, ils étaient exécutés. C'est tout à fait normal parce que je pense qu'on a intérêt à développer des expertises locales. Là, on s'en va vers une décentralisation. Tout est là, à mes yeux, le danger. Le grand remplacement, ben oui. Que penses-tu des Chambusters et ondes scalaires pour transmuter des portions en électrons envoyées par les chemtrails? Je m'intéresse pas vraiment à ça. Je m'intéresse pas vraiment à ça, voyez-vous. Je pense qu'il y a des choses qui ont été lancées dans le public pour les occuper. Ça dépend en quoi. Vous pouvez regarder. Je critique un peu pareil, mais il y a eu une entrevue avec quelqu'un, je suis l'oiseau moqueur, météoriste, je pense qu'il s'appelle, puis il parlait des signatures. Vous savez, un chemtrail, même des fois, il y en a, ils pensent que c'est ça, mais c'est pas ça. Il y a une signature. Mais il reste que, bon, là-dessus, par contre, parce que mon père, lui, il savait ça. Ça veut dire, même quand j'étais petit, dans le début des années 80, il m'en parlait. Puis il parlait la température. Puis comment. Mais lui, il avait été pompier sur une base militaire que les Américains venaient s'entraîner. Puis il me sortait des fois des affaires. Une fois, il m'avait dit non, qui était revenu, puis le dôme en plexiglas de son avion, il dit, on voyait rien, c'était blanc. Puis il était en panique, puis il avait ouvert ça, puis il dit, on avait vu sortir la boucane, puis on avait peur, parce que là, les pompiers, il faut qu'ils interviennent. Puis il dit, on avait peur que ça saute, puis tout. Mais finalement, savez-vous, c'était quoi? C'était quelqu'un qui avait fait l'entretien, puis il avait laissé une guenille. Puis le produit qu'il y avait dans la guenille était tellement fort, ça s'était mis à chauffer, puis ça s'était mis à boucaner. Puis bon, c'était finalement. Mais il me contait des fois des affaires. Il dit, il y a une place, il y avait des baraquements en béton. Puis quand on allait là, il y avait tout le temps, il y en a tout le temps qui te suivent, puis ils ont des mitraillettes, là. Puis j'avais tout le temps peur que le safety soit pas dessus, qu'il s'enfarge, puis de manger une rafale dans les jambes. Mais. L'affaire, c'est que plus on se préoccupe de ces affaires-là, puis souvent c'est moins pire qu'on pense, de la même façon que c'est sûrement pire qu'on pense, mais ce qui est sûr, c'est que c'est certainement pas tout à fait ce qu'on pense, comme on pense. Donc, j'évite de me casser la tête. On ne peut pas nier que dans le ciel, nous n'avons pas des nuages, mais des produits chimiques. Ouais, mais il reste que. Moi, je trouve, moi, j'ai pas envie de me casser la tête avec ça. Il y en a qui vont être mandatés pour se casser la tête avec ça. Puis je leur laisse. Hein? En attendant, bon, c'est sûr qu'il y a des choses. C'est sûr qu'il y en a. Mais ça fait longtemps. Hein? Ça fait longtemps que ça dure. Même à la Première Guerre mondiale, il y avait des choses qu'on ne nous parle même pas maintenant. Donc, bon. Il ne faut pas confondre le commerce et le capitalisme. Moi, mais personnellement, c'est pour ça que je vous dis, c'est parce qu'il y a eu un changement de. Mais c'est quoi, par exemple, moi, le capitalisme que je trouve mauvais, c'est pas, je veux dire, ça dépend, là. Qu'on parle. Il y a le capitalisme et le capitalisme. Mais personnellement, je n'ai rien contre le capitalisme. Je n'ai rien contre le capitalisme. Ce qui me choque, par contre, c'est comme la Bourse de Paris a été vendue à la Bourse de Londres, puis la Bourse de Montréal a été vendue à la Bourse de Toronto. Là, non. Ça, non. J'ai bien de la misère avec ça. J'ai bien de la misère avec ça. Pourquoi? Parce que je vois la continuité de. Puis finalement, cette vieille guerre-là, ils l'ont gagnée. Les barbares ont gagné. Donc, bon, ce n'est pas certain. Cela peut être aussi des contrées de condensation. C'est pour ça que je vous parle de la signature. Des fois, ça fait comme une petite spirale. Il faut prendre des jumelles des fois pour le voir, puis des fois, non. Des fois, ça fait une ligne. En tout cas, géo-ingénierie climatique. Ouais, ben, il y en avait déjà dans les années 50. C'est comme mon père, il me parlait des machines à pluie. Il dit, tu me sens au milieu d'un champ. Puis il dit, après, tu penses semencer un nuage. Puis même, il y a eu un cas, c'était un autochtone, il avait trouvé une espèce de machine en forêt, puis il avait ramené ça chez eux. Ben, le gars, il est mort. Le gars, il est mort. Qu'est-ce que tu penses qui se cache derrière le troisième secret de Fatima? Je m'en fous de ces affaires-là, monsieur. Quand je vous dis, il y a des choses qui sont là pour nous occuper, puis nous faire perdre de l'énergie, ces affaires-là, pensez-vous que je prends ça au sérieux? Moi, Fatima, j'en ai déjà parlé. Moi, à mes yeux, il y a des forces qui utilisent des forces pour téléguider les masses. Puis je mets toutes les apparitions mariales là-dedans. À mes yeux, c'est quasiment de l'ordre de l'ufologie, entre autres. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si vous avez l'air de vous casser la tête avec des affaires. J'essaie de comprendre votre. Ok, c'est une colombe. C'est drôle, de loin, ça fait un équerre. Votre colombe, de loin, ça a l'air d'un équerre. J'étais là, qu'est-ce que c'est ça? Même le blanc qui est en arrière, ça fait comme un compas. De loin, votre petit logo, là. C'est une colombe. Je regardais de proche, puis c'est comme un vitrail avec une colombe. Mais de loin. De loin, ça a l'air d'un compas puis d'une équerre, monsieur. Imaginez, là. Je veux dire, dans le fond, on se casse la tête avec des choses que c'est là pour qu'on se casse la tête avec. Moi, le 3, je vais être franc avec vous, là. Le troisième secret de Fatima, ça ne m'intéresse pas. Je considère que ce n'est pas de mes affaires. Je suis sûr que c'est des affaires que, bon, c'est là pour nous occuper. C'est là pour nous occuper. Puis c'est pareil comme le reste, dans le fond, là. Moi, personnellement, là, je vais être franc avec vous, là. À mes yeux, c'est toute la manipulation, les affaires de Fatima. Je suis désolé, il y en a, c'est sûr, ça va les choquer parce que pour eux autres, c'est important. Puis bon, comme ma grand-mère maternelle, elle est allée à Lourdes, puis pour elle, c'est bien important, ces affaires-là. Mais moi, bon, qu'est-ce qu'il y a à Lourdes? Moi, je pense qu'il y a des anomalies magnétiques, entre autres. Puis bon, pourquoi ça se manifeste à des points précis? Souvent, il y a une grotte ou. Hein? Si c'est la Vierge, est supposée être capable d'apparaître où elle veut. Pourquoi? Il faut tout le temps que le terrain, il y ait certaines dispositions. Puis bon. En tout cas, il est certain que l'on occupe la masse. Ben oui. Fatima, c'est de la manipulation. Ben moi, je pense que tout est de la manipulation. Tout. Même ce que je pense, c'est de la manipulation à mes yeux. La pensée, c'est de la manipulation. Ce qu'il pense, qu'il pense, qu'il pense. En tout cas, mais c'est pour ça qu'il y a des pensées, des fois, que tout d'un coup, je me dis, voyons, je suis en train de me faire avoir, puis là, je vais moi-même m'expurger de mes propres pensées, puis les considérer comme de la pollution. Donc, bon, ça m'a, c'est fortement possible. Hey, c'est Franck. Je ne me casse plus la tête avec ces affaires-là. À cette heure, je vis ma vie le plus simplement possible. J'ai investigué longtemps dans ces affaires-là. Ben moi aussi, mais comme à temps perdu, comme un divertissement. Dans le sens que je regarde ça de loin. Puis je regarde, je disais, c'est de savoir, oui. Prenez, c'est quoi donc? Il y a une place, je pense, dans les Balkans où. Il y avait eu une apparition, puis il y a un Français qui était allé là, puis les petits-enfants étaient en extase, puis tout. Puis lui, il est arrivé, puis il s'est approché d'un des enfants, puis il a fait... Puis la petite fille, elle a... puis il a pu démontrer comme ça, il n'était pas dans un état de ravissement extatique. Puis là, après, ils ont demandé à la petite fille, pourquoi t'as sursauté? Elle a dit, ah, oh, ben là, la Vierge attenait l'enfant Jésus, mais là, elle était sur le bord, elle était comme en train de l'échapper, puis là, elle a voulu le rattraper, puis... Ah oh, ouais. Eh ben. À un moment donné, là, on fait rire de nous autres. On fait rire de nous autres par des forces puis des mises en scène. Puis les mises en scène sont pas nécessairement. Les mises en scène sont pas nécessairement faites par des humains comme on le conçoit. Il y a des forces sur d'autres plans. Il y a des plans plus subtils. Puis ces forces-là manipulent l'être humain. Ou l'être humain lui-même va nourrir des formes qui vont le manipuler. L'être humain qui va se... Bon, en tout cas, je ne sais pas si vous voyez, c'est de la fascination, c'est ça. Mais l'énergie la plus précieuse, c'est celle, entre autres, qui est captée par votre système nerveux. Parce que ça peut nourrir... En tout cas, je suis d'accord de ne pas s'occuper de toutes les bizarreries qui sont apportées. Ça disperse, ça occupe l'esprit et ça empêche d'aller à l'essentiel et rester centré. Et voilà. C'est pour ça que j'en ai connu du monde qui il s'intéresse. Il était tellement occupé à investiguer sur l'ufologie. Il était là, à un moment donné, c'est parce que tes enfants ne te parlent plus, ta femme est partie. Quoi? Ça donne quoi, là? Il faut commencer tout le temps par l'essentiel. On va faire quoi? En tout cas... on se casse la tête parce que là, on nous empoisonne tous les jours. Et ça, c'est bien réel. Ben oui, mais certainement. Mais vous savez, j'en fais pas avec ça pareil. Puis ben franchement, je m'en fous. Je m'en fous. Pas, c'est pas dans le sens que c'est pas important ou que c'est pas vrai. Mais dans le sens que juste m'en préoccuper, je me fais empoisonner puis je perds de l'énergie. Vous, voulez-vous vivre 140 ans? De toute façon. Mais l'espérance de vie, ça a quand même... Bon, là, ça a pris une drop, mais je veux dire, ça cesse de monter. Pareil, je veux dire, on nous empoisonnerait de plus en plus, mais on... Mais il y a les bébés boomers qui, je trouve, ils meurent jeunes. Plus que la génération de leurs parents. Mais on n'est pas obligé de mourir d'un cancer à 60 ans. C'est pas nécessaire, c'est pas obligatoire parce que là, on nous empoisonne, on vit dans un environnement toxique. Ben oui, si vous vous dites ça, vous allez le somatiser. Il faut résister à ce qu'est-ce qu'il dit Nietzsche, même si je ne l'aime pas, ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. Ça dépend, c'est une question de transmuter l'environnemental. En tout cas, on dirait que mes messages sont filtrés. Ah, ça se peut, parce que ça fait un bout de temps que j'en voyais pas. Pourtant, j'ai mis personne, moi, à la modération. Fait que c'est peut-être une intelligence, pas intelligence, c'est-à-dire artificielle, qui le fait. J'ai aucune idée. D'accord avec toi, Didier, mais la meilleure attitude, c'est celle de Bertholdt, n'oxyde pas ses cellules lui-même. Ben, je pense qu'on somatise, puis je pense que la pensée, c'est du subtil, puis que ça se cristallise en matière. Puis il y a aussi ce qu'on pourrait appeler le mental cellulaire. Bon, c'est tout ça. C'est pas que j'en tiens compte tant que ça, mais il y a des choses par rapport à ça que je sais que. Donc, je fais pas exprès. Je fais pas exprès, puis même les affaires, ben, c'est comme Sabrina dit, le stress, l'inquiétude empoisonnent tout autant. La première pollution, c'est celle qui est dans notre mental. C'est la pire. Puis c'est celle qui tue le plus. Donc, bon, moi, les algorithmes m'empêchent de te communiquer des infos. C'est bien possible. C'est bien possible. Ben, même, moi, je pense qu'on est filtré même dans notre mental. Donc, bon, ça arrive des fois. Comme là, ce matin, je voulais parler justement de mon affaire en cours. Puis là, j'étais là, c'est quoi dans le mot de la patente que même je reçois le chèque certifié que je signe pour mettre fin à la cause? Puis là, je le trouvais plus. Puis tout, puis à un moment donné, je veux le savoir. Puis j'ai comme forcé. Puis ça m'est dit, ah oui, un désistement. Désistement. Pour les messages qu'on ne voit pas, il faut cliquer sous clavarder en direct pour tous les messages. Ah, ben là, je suis posé les voix pareil. Mystère Guerrière, oui, je vais cesser. Ça fait 1 heure, là. Bonne journée à tous, tout le monde. J'ai une visite surprise. Ah bon, vous recevez de la visite. Je pensais que c'était parce que vous voyez que ça fait proche 1 heure. Donc, ben moi, je vais aller déjeuner. Donc, bon, ben, je vais souhaiter une bonne journée à tout le monde. Puis, oui, c'est vrai qu'on est dans un environnement toxique. Mais c'est aussi au niveau subtil. Il faudrait commencer là, là. Donc, bon ben, bye, Francis. Bon ben, bonne journée à tous. Au revoir.